La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. La Nocturne 100% rap français, PNL. Chiki Chiki. Le son préféré de D-Fool. PNL dans La Nocturne. Je sens l'odeur de mon âme qui brûle. Y'a rien à faire, c'est comme ça. Moi je suis dans la vallée du rune. Pierre sale, je construis la casa. Pardon la vie. Je serai jamais qui je voulais être. Pardon la vie. Pardon. Donc je compte les billes en mètres. Je fais des sons, je parle le QLF. Je brûle mes souvenirs, j'éclaire le bénéf. Cœur de billet, j'attends qu'on me greffe. Et sur le ventre, c'est toujours Casper. Y'a assez de couilles pour leur faire la guerre. Pas assez de cœur pour sauver la terre. Ouais, je mets l'écho, je vends plus. Le rat est jalouse ma plume. J'ai oublié en bas. En haut je me rappelle de toi. J'suis la folle dans ma chambre. T'as où ça que j'm'envole. Ting, ting, ting. Bah ouais, j'fume ma drogue. J'calcule pas mon fun. Faut que j'recompte ma somme. Ting, ting, ting. Troisième œil comme Tenchin 1. J'joue, j'suis vif comme la kata. J'mets plus linge sale dans le kappa. À fond dans Panam. J'ai la banane, gros pec dans le hammam. Toute la tête avec un pet pet pet. Un cachet, j'te montre ma tête tête tête. QLF sur la plaquette, get get get get get. Grosse de puce, j'joue pas la Rihanna. J'suis un requin, j'suis pas un piranha. Va te rendormir, tâche n'est qu'en pyjama. Ouais, fuck la zère zère zère. Sors, toi t'es vert vert vert. The world m'appartient, hein, tant qu'on les sert bien, hein, montre-moi ça me convient. Chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki, chiki. Tu es le fenda. Chiki, chiki, chiki, chiki. PNL, dédicace à Toulouse, Clara à l'écoute. Chiki, chiki. Ok. Chiki, chiki, chiki. Rap français 100% explicite lyrics. La Nocturne. Niska, Booba, MLC dans La Nocturne 100% rap français. Je veux faire tomber mon bloc. Je suis discret comme appel anonyme. Violent comme papa alcoolique.

fait perdre, les hommes se trompent. Tellement que l'amour éclaire nos âmes, la haine nous fait de l'ombre. Boire la sincérité, cul, c'est qu'il fallait peut-être pas. Je suis ivre de mes vérités, mais mon froc, je ne le baisse pas. On refait pas le monde, les grandes phrases ne changent pas les hommes. Le temps passe, on remet de la couleur sur nos vies sombres. Je me suis fait dans la douleur, dans le doute, mon cœur dur comme une poutre. Or, question que je me la prenne dans le boule. J'ai pas fait colin, j'ai rien de tout ça, je prends un youvoi. Je me fous de la gloire, donc j'ai la foi, une douleur tout va. J'ai fait pleurer ma mère, donc la vie m'a mis des crochets. J'ai poussé dans la misère, entre la pêche et les huissiers. Je donne, mon cœur n'a pas le temps d'être sur pause. La haine de l'amour qui se fane, l'or est en surdose. Rien à foutre de faire des vues, je suis bien dans mes pompes. Combien de ceux qui cliquent viendront te mettre une grosse sur la tombe. On monte un peu, j'ai dû reculer et poser le front. À trop vouloir faire du bifton, on en sort les mains brûlées. J'ai séché l'école, j'ai jamais embrassé la lâcheté. Je me suis coupé du monde pour me voir qui sera le premier à me lâcher. Mon esprit va pas part en yoko comme express. Dis, clash tous, regarde, c'est avec Goon et n'est lesbi. Je dirige ma plume là où les cœurs sont secs. J'ai coupé l'amitié à la racine, j'ai vu repousser les traites. Hein. Tu te plains des toi qui a pire, hein. Tu fais le mal, tant peu les prix. Hein. Je connais le bitume mais ses désirs. Roule boy et l'état d'esprit. Poche vide, on connaît. Frigo vide, on connaît. Y'a qu'un sur une barquette de frites quand c'est la dèche. On connaît, allez leur dire qu'il est préférable de faire la paix que de faire la guerre. Chacun ses poches à monnaie, mais le respect passe avant l'oseille. Allez leur dire qu'il est préférable de faire la paix que de faire la guerre. Chacun ses poches à monnaie, mais le respect passe avant l'oseille. Et pour le Roy, big up la révolution, attitude vrai bonhomme, vrai bonhomme, vrai bonhomme, vrai bonhomme. Nous restons dans le partage, on encadre hier à la noise pour les rouboys. Comme un gang, comme un gang. C'est pour le procuré, big up la révolution, attitude vrai bonhomme, vrai bonhomme, vrai bonhomme, vrai bonhomme. C'est pour l'honneur et qui se battent pour la daronne. C'est pour les rouboys. Comme un gang, comme un gang. C'est pour le procuré, big up la révolution, attitude vrai bonhomme, vrai bonhomme, vrai bonhomme. Sur Skyrock. Pourquoi il fait le gros? Il est cocu. Après deux verres de champagne, je te reconnais plus. Ta musique n'est plus à la mode. Ta musique n'est plus à la mode. À 30 ans t'as pas la gova. Tu t'étonnes qu'il choisit ton pote. RS4, pas de plaque. Le flow est resté intact. L'argent salé dans le bendo. Le propre dans ma black car. J'te vois petit comme Mathieu Valbuena. J'te vois petit comme Mathieu Valbuena. La nuit je trouve pas le sommeil. Je vais compter des gros culs sur Insta. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Kaki. Tu roules du cul comme je roule mon joint de paki. Fais ta folle, tu payes son qui? Tu es tellement bonne pour toi, tout est gratuit. Tu t'affoles, reste tranquille. Reste tranquille. Miss, twerk, salement. Je le vise, vise, j'perds rarement. Le bise, le risque, affaire illégalement. Y'a le fisc qui piste, qui reste mon compte en banque. Y'a le 666 qui t'attire diaboliquement. Les rallies glissent sous l'état politiquement. Des stands, miss, miss, et Wesson, un règlement. On s'abrite vite, vite, ils sont casqués intégralement. Selon ce que tu consommes, dans le VIP on va t'installer. J'arrive en Aston, voiturier, faut pas me la rayer. Selon ce que tu consommes, dans le VIP on va t'installer. J'arrive en Aston, voiturier, faut pas me la rayer. Spike Miller, c'est mon DJ. Spike Miller, c'est mon DJ. J'fais la malade tous les jours, c'est mon birthday. Si t'es pas là, tu ne vas pas nous manquer. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Kaki. Tu roules du cul comme je roule mon joint de paki. Fais ta folle, tu payes son qui? Tu es tellement bonne pour toi, tout est gratuit. Tu t'affoles, reste tranquille. Reste tranquille, tranquille. Tu vas vite te calmer, reste tranquille. Tu vas vite te calmer, reste tranquille.

Maintenant je peux dormir sur mes deux oreilles. Et y'a pas de secret, je me suis méfié des traits et des conseils. Tout est OP, la con qui me cherche, qui lâche au quartier. Les types sont déchaînés, tous en place sur le corner. Roger, Mila, dans ce comme Roger, Mila. Roger, Mila, dans ce comme Roger, Mila. Tout est OP, la con qui me cherche, qui lâche au quartier. Les types sont déchaînés, tous en place sur le corner. Roger, Mila, dans ce comme Roger, Mila. Roger, Mila, dans ce comme Roger, Mila. Roger, Mila, dans ce comme Roger, Mila. Roger, Mila, dans ce comme Roger, Mila. Tout est OP, la con qui me cherche, qui lâche au quartier. Les types sont déchaînés, tous en place sur le corner. Roger, Mila, dans ce comme Roger, Mila. La nocturne. J'ai dansé. Aïe. Yeah. J'ai mal au dos, j'ai trop dansé, de minuit jusqu'à l'aube. J'ai dépensé tous mes lots, plus d'essence dans la groupe. Y'a la police qui rôde, j'suis dans le futur, j'ai mon port. Le DJ nous a plié, toute la soirée, sur la pluie j'ai redonné. Je suis fatigué, sapé comme jamais. Mon parfum dure 24 heures, j'mange un comme jamais. Casal sur le nez, j'suis prince nappé. J'ai trop dansé. J'ai trop dansé, j'ai trop dansé, je suis fatigué. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. J'ai trop dansé, j'ai trop dansé, j'ai trop dansé, je suis fatigué. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Et toi DJ, vas-y mollo, j'ai trop dansé. Tu vois pas que j'ai chaud, ou c'est à cause de la gore. Son déranger n'en fait trop, elle a tout ce qu'il faut pour mettre tout bon KO. Le DJ nous a plié, toute la soirée sur la pluie j'ai trop donné. Je suis fatigué, là je deviens relou. J'danse comme Drake, l'ambiance devient chelou. Faut que je m'arrête sec. J'ai trop dansé. J'ai mal au dos. 100% rap français. Allez, dédicace à Pogba. Arrêtez vos conneries, Pogba, franchement. Allez, les Bleus, dimanche, face à la Suisse. Le son 100% rap français de la Nocturne. C'est maintenant, le morceau, c'est Sisa avec Pogba maintenant. Qu'elle est vierge et elle le croit que je vais la croire. Je monte dans l'ascenseur du building. Faut que je monte tous les étages. Je veux baiser le patron, je veux baiser la patronne. Je veux baiser Nicki Minaj. Des rebeux, des renois, des têtes cramées. Une cagoule et des gants sur le hornet. Un gamin, c'est une équipe des mecs armés. En tant que le rat mieux si t'es honnête. Du bégon, j'ai radique, c'est cafard. 14 juillet, ça sort les pétards. Je suis derrière et je te mets les pleins pas. Fuck des noms, j'ai floué ces bâtards. Et là, je danse, pop pop pas. Est-ce que tu connais? Vise le haut en venant d'en bas. Je veux de la monnaie. Je vais leur glisser ma queue. Un peu comme Dieu donné. Je veux des billets arc-en-ciel. Mais surtout du violet. J'suis sur le terrain qu'on pop pas. J'suis sur le terrain qu'on pop pas. J'suis sur le terrain qu'on pop pas. J'suis sur le terrain qu'on pop pas. J'suis sur le terrain qu'on pop pas. J'suis sur le terrain qu'on pop pas. J'suis sur le terrain qu'on pop pas. J'suis sur le terrain qu'on pop pas. Et là je danse comme un pop. Je vais, et là je danse comme un pop. Number 10. Et là je danse comme un pop. Fantas Blancox. Et là je danse comme un pop. Le capot des capes. Je vais toucher le sommet en 43 chromé. Je te le promets, y'aura pas de homé. On la connaît, elle veut la monnaie. C'est siliconé, pas de gros bonnet. Vita Loca avec mes rapis. Tu fais la clé si t'es un Yankee. Je prends ta conso et porte-toi d'ici. Nique ta grand-mère, je suis pas du beurre, c'est ainsi. Je suis à bord de la fusée. Amnésia sur ma planète. En cellule, j'ai trop purgé. Même les cafards étaient pas nets. Mais dis-moi, petit bâtard, pourquoi t'appelles les condés? En jet 31, jet, oui c'est mieux pour nous voir tomber. Je veux passer au dessert, j'ai pas le temps d'attendre l'entrée. C'est Z automatique, gringos, qui est pas ça en blé. Je décolle de la rue, faut que tes maths et tes fractions. En promenade, je fais des pompes et des tractions. Je fuck les illuminés, je fuck les francs-maçons. Rigole pas, je fuck manger une type de maçon. Je suis sur le terrain qu'on pop pas. Je suis sur le terrain qu'on pop pas. Je suis sur le terrain qu'on pop pas. Je suis sur le terrain qu'on pop pas. Je suis sur le terrain qu'on pop pas. Je suis sur le terrain qu'on pop pas. Je suis sur le terrain qu'on pop pas. Je suis sur le terrain qu'on pop pas. Et là je danse comme un pop pas. Je vais. Et là je danse comme un pop pas. Number 10. Et là je danse comme un pop pas. Fantas Blancox. Et là je danse comme un pop pas. Le capot des capes. Jarod dans la nocturne. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma salope. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis en place. Fonce jamais la passe, j'avoue que je m'en passe. Hein? Ils connaissent le blaze, ils connaissent les phases. Ils galopent, c'est naze, ils galopent, je t'étrape, tel fou, je t'écrase. Minus, les menottes me servent, l'OPJ s'excite, mais jamais je donne. Gava, lève ton verre, il est l'heure de prier pour les hommes. Sur les nerfs, il est bon qu'à prier pour des sommes. J'suis la boîte de la guerre, y'a raconte les victimes dans la zone. Zoulou rêve d'une rafale sur les decks. Zoulou veulent ma tête. Zoulou veulent m'enlever le respect du check. Zoulou font de la peine, Zoulou veulent mon grec. Pas la peine, on va te faire taire. Paname, c'est petit comme ta huck. Ouais, dans la rue, tu fais le gangster. Avec les meufs, c'est Donald Duck. Dans le carré VIP, ça rend sec. Avec ta mère, c'est Picsou. Panam. 19ème, ça dit le tout. Mêle son mon gava. Mêle son ça du cité, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Même sur ça, tu vois.

Parti de rien, je ne peux que réussir. Mon daron s'est tué à l'usine. J'ai mis toutes mes forces dans la musique. Mais pour quel point je peux t'avoir un usine? Personne ne me rappelle. Je traînais dehors le soir dans le sous, pendant que la dame s'inquiète. Je vendais la drogue en bas, en sous, je voyais l'inspecteur en quête. Je traînais dehors le soir dans le sous, je voyais la dame s'inquiète. De la drogue en bas. La nuit je fais plus de rêve. Y'a plus d'honneur, y'a plus de début de l'est. Exposé depuis l'enfance, depuis quelques temps, frérot, t'es plus le même. Appelle-moi la vengeance, j'ai des blessures de guerre. Pour les soigner, faut compter des billets vers où que je fume de l'herbe. Que je fume de l'herbe. Je manie les verbes. J'ai connu la haine, j'étais seul, c'est chacun sa merde. Le daron s'est tué à l'usine. J'ai coupé des kills dans la cuisine. Je me suis tapé sa fille dans sa piscine. Ma mère est morte dans mes bras. Mon pote lui a grandi sans son père. La première chose que je pense à faire c'est allumer mon cœur. J'ai larme à l'œil quand je regarde mon père. Parti d'en bas je ne peux que réussir. Descendant du FLM ou d'un Black Panther. Je ne peux que réussir. Mon daron s'est tué à l'usine. J'ai mis toutes mes forces dans la musique. Mais pourquoi moi je peux t'avoir un usine? Parti de rien, je ne peux que réussir. Le daron s'est tué à l'usine. Parti de rien, je ne peux que réussir. Parti de rien, je ne peux que réussir. Le daron s'est tué à l'usine. Yeah. Nocturne. Dossé maintenant, le nouveau son avec Young Thug à écouter sur Skyrock. 100% rap français, planète. La nocturne. Milliers d'euros, milliers d'euros, milliers d'euros. Milliers d'euros, milliers d'euros. Il y a 7 jours dans la semaine. Cette couleur différente de billets. Si c'est un signe, qu'il en soit ainsi. Je vais récupérer l'or qu'ils ont pillé. Hey. Ouais, j'en ai foi. Si j'enlève la plus, là tu me ramènes. C'est le jour de la dernière fois. Équipé chaveau comme jamais. Les Yankees me kiffent, c'est ce qu'il leur faut. Criminel swag, killer flow. J'calcule pas ce que les suceurs font. J'leur pisse au cul, j'leur suis sur le front. J'suis à game dans le fond. Ils savent bien que j'suis plus sale qu'eux. Rap NSB, j'suis sur plusieurs fronts. J'ai plusieurs joints, mais qu'une seule queue. Regarde-moi, j'suis tout de balle, main vêtue. Pas le même génie, pas le même flow, et pas le même vécu. Du prix d'un feat avec mon négro Tagataga. Si l'album flop, il me reste toujours la vente de Tagataga. Money go around, slow it down, slow it down, slow it down. My mind going round, going round, round. It's so colorful like a clown. That pussy so wet, I just floated. Them colorful bands, I'ma throw it. I can't fuck with you if you told it. I can't fuck with you if you wrote it. I'm thugger, get money in my post. My bitch clip her ass in slow motion. That come on, that bitch look like lotion. I had on some ice and she knows it. Jelly bean, money, same colors as jelly bean. I pop them jelly beans, I fall like jelly beans. Fuck is you telling me, bitch, I got 7 wings. I pop a Molly Red Bull, now she smelling me. Fuck is you sweating me, I got on bombings, they tight with 11 D's. Lace up my Jordan. Shut the fuck up, little bitch, you just talking too much, it's irrelevant. My pockets are with Taco Bell. I got no comments on me, crazy. Sit on my white SLG, babe, they so delighted. Don't be lazy, little bitch, you crazy. Watch this money go around. Slow it down, slow it down, slow it down. That money going round, round. It's so colorful like a clown. Dédicace Julien de Paname à l'écoute dans la nocturne. Mes vitres sont teintées. Oublie tout cette peureux fois que et la lâcheté. Ils ont loupé le coche. Dossé Yuntug. Milliers d'euros, milliers d'euros, milliers d'euros. Il est là ou quoi? Bébé, dis-moi quel autre choix pour un négro. Milliers d'euros, milliers d'euros, milliers d'euros. Bébé, dis-moi quel autre choix pour un négro. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne salsa. Même à travers fumée de chicha, j'y vois net. J'y vais pour Niafou, Barrette, Antoinette. Rendez-nous nos 200 filles, rendez-moi mon loulou. J'suis au téléphone sans fil, zère, mon coup gros sous loulou. Qui a niqué sa carrière bêtement, on clashant hi sous louloul, hi sous louloul. A vous de juger au QG, j'retire qu'à gouloulou. Toute ta carrière, elle est bidon. Tu m'as vu à la télévision, sur ma télévision. Fais-moi tout en amont, fini, momi, tout en camon. Après le show, les plus canons finissent dans le camion. Super héros, chaka, Zulu, c'est pas bel mondo. Tu suces pour un loulou, tu quittes le bendo. On t'a jamais vu comme la Goa Colombo. Nique ta grand-mère côté de ta mère avec la vita Mutombo. Loulou, la vita Mutombo. Mutombo, Mutombo. Loulou, loulou. J'faisais de l'oseille comme si l'on pleut. Avant que mes anges ne naissent, si je vois la vie en bleu, c'est comme un crip Los Angeles. Loulou, gros cul, elle s'en va, sale négro, elle s'en me taire. 13, bonheur ou malheur, calaché sur la canne bière. Étoile du Nord comme Alonso, sur le terre-terre sans ballon d'or. J'suis au Pérou, café noir, allez faire tout malongo. Unis pour le sale que faux négro se blesse. Je parle fort pour pas que la France dans on se baisse. Sur la vue de mon genou, j'pars pas sans leur au cou. Tu vois rien comme un selfie, de la chante alors mal au dos. Perdu dans un arrêt, méchante, cuit, je tiens debout. 5 mois, tu es à l'aide de suite. Planète 100% rap français. Allez, c'est parti, session classique avant d'y aller. B2O, Trait d'Union, Booba, au bout des rêves, maintenant dans la nocturne 100% rap français. Appelez au score, on n'est pas mon

de tirer le store. Fabulo est dans le coin, je sais pas où il est, mais il est dans le coin. Ah bah voilà, j'ai eu peur, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Non, toujours paré ou quoi? Ouais, toujours. Tu reprends contrôle, fabuleux, le son rap R&B en non-stop sur Skyrock. Quoi? T'es en train de faire mon lit. Qu'est-ce que tu fais, Samy? Je fais mon lit à côté là. Mais tu vas dormir là toi? Ouais, mais je fais mais pourquoi? Pas un peu peur, je suis bien. Marseille joue demain? Là, vous jouez, mais c'est la trêve. C'est la France qui joue dimanche, mon Dieu. Et ça joue dimanche d'ailleurs, France Ah, ça joue à Lille. Lille? Ouais. Parfait. Mais demain, il y a la Hongrie qui joue à Marseille contre l'Islande. Eh ben voilà, parfait, parfait, Samy. Bah, c'est pour ça que t'as besoin de te reposer un peu, Samy, on a compris. Voilà, pour des forces pour la Hongrie, pour tout le monde. Bon, c'est parti, le son de Skyrock, rap R&B en non-stop. Nous, on tire le store, il est grand temps de se barrer. Lundi, il y a Jules qui débarque, bah tiens. Ah, un Marseillais. Poteau Marseillais qui fait ses sons dans une cabane. Dès lundi, à découvrir sur Skyrock. Et là, on se quitte avec, attends, morceau pour un grand monsieur qui nous a quitté il y a quelques jours. Mohamed Ali, quand même. Les gars, vous respectez ou pas? Vous avez connu, Samy, toi qui es très jeune, t'as connu ou pas? Il y a deux semaines. Ouais, mais t'as connu quand même le gars ou pas? Forcément, un grand champion. Voilà, Fugees, Rumble in the Jungle, maintenant sur Skyrock, et le son mixé par Fabuleux juste derrière. Ciao. On y va. Bam. Et Robam. T'as pas levé le son. Hein? Quoi? Voilà. Non, attends. Non, faut que j'envoie un jingle avant. Skyrock Radio Station. Rap and R&B. Non-stop. Skyrock. Skyrock.